Deux mois plus tard, en novembre, au soir de l'enterrement de sa cousine, Geneviève Baudu, dont la mort est à l'image même de la mort successive de tous les petits commerces du quartier, Denise rejoint Mouret dans son bureau.